qui va pas être déçu de la race humaine quand on voit un être humain, ce qu'il est capable de faire, surtout à un autre humain. Oui, puis même des fois, ce qu'on est nous-mêmes capables de faire dans certaines situations où ça vibre bas, puis qu'on n'a pas tous nos moyens. Puis qu'une fois après qu'on revient, on remonte plus haut en vibration, puis là qu'on le voit, là on est déçu de l'humanité en soi. Puis là, on voit les influences. C'est là qu'il y a une certaine épuration qui peut se faire. Parce que ce qui est vu, puis ce qui est enregistré. Donc, si vous pouvez arriver vous-même, pour vous-même, à ne pas répéter certains patterns, là, c'est déjà... Parce que vous savez, la déception de l'humanité, c'est pas juste à l'extérieur. Là. Il faut être aussi... Il faut que ça serve, hein.